Demain, c'est le 14 juillet, jour de la fête nationale. Ce jour-là, disent les livres d'histoire, le peuple de Paris se révolta contre la tyrannie royale. Les Parisiens attaquèrent la Bastille et finirent par s'en emparer. Le 14 juillet 1789 marqua le début de la Révolution française. Ne pensons plus à tout ça. Demain, c'est la fête. Il va y avoir des défilés dans les rues, des bals en plein air, des feux d'artifice. J'ai hâte d'être à demain. Plus je vieillis, plus je veux m'amuser.